à croire que l'intar qui nous a reçus n'a pas su nous éduquer. Tout est niqué, du bon sens on est dépourvu. Les dés sont lancés pour nous, car la pas du luxe est détourné. Avec une vision du monde comme Pollux, faut pas s'étonner que tout ce qu'on touche on le pollue. Ça voudrait que ça change, sans enlever la merde de son palier. Ici un peu d'allié, donc mets pas tes œufs dans le même panier. Tout va péter chaud, paix pour le parier. C'est qu'une question de temps qui s'écoule dans le sablier. Moi j'ai jamais vu club sur ça briller. Mec des putes qui au premier coup dur s'alignaient. Trop dans l'ongle sont animés, l'impression d'être pris au piège. Dans une toile d'araignée, nos cerveaux sont en état de siège. Le mal n'a plus qu'à régner. L'idéal rêvé à dériver, présent caché à s'inventer des rivaux. À m'attacher, tâcher, qu'à se tâcher. Dans le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde les choses fécondes et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Regarde le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde les choses fécondes et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? À une date ultérieure, à l'intérieur de toi, tu le sentiras. Aussi profond que l'univers peut être, aussi loin que la lumière peut émettre. Ce sort est inévitable pour ton être. Et si tu veux de l'espoir, dis-toi que tu n'es pas seul. Beaucoup d'autres vont te rejoindre. C'est le moindre qu'ils puissent faire. Dans ce moment de joie, y'a pas de phare pour te diriger. Que des vibrations pour toi et tes frères. D'ailleurs, la même pour tous. Et c'est là que ça se force. Sans cesse, c'est l'attaque. À chaque attaque, s'applique pour qu'on s'applique. À force, dans ton crâne, elle s'implante. Encore plus dur pour que tu la charges de ton esprit. Et la commence les batailles intérieures et les cris. Et on peut résister, faire comme les moines. Des mois, des années méditer. C'est pas trop notre ambiance, on préfère le combat mental. Dans le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde quelque chose féconde et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Regarde le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde quelque chose féconde et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu? C'est la même histoire qui se répète, le même scénario pessimiste. Dans mon cœur c'est la tempête, j'interprète la pessimiste. Le scénario est triste, je préfère rester réaliste. Entre eux et nous des mâles qu'on trace, on s'écarte de la voie céleste. C'est sur le mauvais chemin qu'on trace, en plus les chiens d'état nous délaissent. Faut qu'on s'unisse pour plus qu'on subisse, chaque jour on s'enlise dans leur putain d'abysse. Faut qu'une bonne fois pour toutes on se réunisse, pour mener à fin notre combat versus le vice. On s'efforce de résister à la tentation malsaine, donc c'est dur de subsister. Tu fais ton choix si le mal sème, la fécondation, la bonne parole. Faut quand ici, c'est l'influence satanique qu'on descend avec un style incandescent. Faut lever la tête ou baisser les bras. Qui voit. Si c'est les mensonges qui sont célébrés, vie accélérée, on agit comme des scélérats. À croire que le bonheur est sous-scellé. Pour savoir, il suffit pas de se renseigner. Regarde le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde quelque chose féconde et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Regarde le monde où on évolue, un regard d'une seconde et c'est révolu. Regarde quelque chose féconde et s'évolue. Ne pose pas la question, est-ce que c'est prévu?